Continuez d'applaudir maintenant Guillermo. Oh oui, voilà. Bonjour les amis. Salut Ernesto. Ah, vous savez comment je sais que je suis vieux? Tu regardes la télé? Non. Tu utilises l'expression vaille que vaille? Tu es Nelson Montfort? Non. Eh bien, non, bien essayé, bande de flics ratés. Je sais que je suis vieux parce que la saison des festivals démarre et que je m'en branle avec une méticulosité. Sérieux, je m'en branle avec la main d'un autre. Quoi. Vraiment, je m'en branle sans dentifrice. Je m'en branle à la peau. C'est homérique comment je m'en branle. Alors qu'avant, les festivals, c'était vraiment une de mes grosses passions. Les pubs pour la marque Kinder, c'était vraiment mes deux passions. Tu te rappelles les pubs Kinder qui faisaient la promotion de la famille traditionnelle arienne? Pas vrai, Maréchal? Vous rappelez ça? Ah, affirmatif. Ah ouais, on était bien à l'époque. Non, mais c'est bon, aujourd'hui, ça me laisse complètement indifférent, 100% les festivals. J'adore cette citation de Nagui, d'ailleurs, qui parlait de son expérience dans Taratata en disant voilà, j'en peux plus, ça me gonfle de rester avec des heures debout, entouré de gens hystériques et mal savonnés, à écouter de la musique de scout, etc. Et c'est exactement ce que je ressens avec les festivals. Une fois de plus, patron, vous avez vraiment trouvé les mots, quoi. Si vous pouviez juste trouver les sous maintenant pour nous rémunérer, ça rend bien. Mais c'est vrai que je suis vieux. Il y avait Will of Green ce week-end, vous en avez parlé, je pense, vendredi avec Eric Tabarly Yvan Bourgnon. Oui, enfin, je sais bien, il y avait un marin. Et voilà. Franchement, moi j'adore Beck, Migos et Charlotte Gainsbourg, etc. Mais aujourd'hui, je préférerais tellement qu'ils viennent chanter ici dans le studio comme si Napson avec Charlotte Gainsbourg qui me ferait un petit single de dire je te connais pas Ernesto mais je vois que vu que ta position dans le studio tu dois être un mec plus important que le public. Non, vraiment, c'est un truc tout simple. Je ferai une story Insta comme ça, hashtag esprit inter, hashtag inter, hashtag terre, hashtag air, hashtag. Enfin, je serais vraiment deux chansons, trois max que je pourrais écouter peinard ici sur ma chaise, vraiment à sentir planer le souffle chaud et âcre et faisandé de Daniel Morin. Vraiment l'homme qui a inventé le concept d'haleine médico-légale. Vraiment, mais c'est plus pour moi la musique en meute et la pilosité bio. J'ai perdu l'innocence. Le seul festival vraiment où j'avais vraiment envie d'aller ce week-end, c'était à Bruxelles où se tenait, je vous promets, le festival belge du whisky, du rhum. Je vous promets, à Bruxelles, il y avait un festival juste avec de l'alcool. Ils se sont dit, qu'est-ce qui fait chier dans le festival de musique? La musique, voilà, bingo. Ben ouais. Et ils ont fait, je cite, 1300 mètres carrés pour célébrer l'alcool sous toutes ses formes. C'est beau. Avec notamment présentation de produits en lien direct avec l'alcool, notamment les cigares, le chocolat, les tests de grossesse, etc. Et je ne vais pas faire l'hypocrite. Dans cette émission, s'il y a bien quelqu'un qui fait en permanence l'apologie de l'alcool, c'est bien Leïla. Mais bon, Leïla, le jour où Laurent Delahousse aura enfin quitté le JT pour ouvrir un musée consacré à Laurent Delahousse, elle sera plus obligée de s'évader. Elle sera plus obligée de s'évader dans le whisky, c'est dans vrai. Le rhum, le gin, la vodka, la tequila, le calvados, l'armagnac, le curaçao, le pisco, la muscale, le saké. Tout ça avec modération, bien sûr. Et vous savez comment je sais que j'ai un problème avec l'alcool? C'est qu'arrivé à Calvados, j'avais déjà une similiturgescence. Vraiment, c'est un truc. Et un saké, j'avais de la buée dans les yeux. Vraiment, non, le temps passe. Et je me rappelle l'époque où j'allais encore dans les grands festivals, genre écouter Radiohead, etc. 80 000 personnes, 900 suicides, à peine 700 réussis. C'était vraiment le bon temps. C'était le bon temps. J'ai vu une TM en festival. Vraiment, je me rappellerai toute ma vie, Joe Star, qui fait comment, ce qui fait pas de pas à côté, chemise ouverte, chaîne. Les gens devenaient dingues, vraiment. Non, c'est pas lui, ça. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Dans 10 ans, quand je parlerai de mes souvenirs de festival avec mes aides-soignants, je leur dirai, voilà, j'ai encore eu, moi, le limoncello, je l'ai vu au festival du whisky à l'époque. À l'époque où c'était pas la star des alcools, il était 11h du matin devant un tout petit sting. On était trois fans hardcore comme ça. Il y avait encore la patronne de France Télévisions qui était encore ma collègue à l'époque, dans la bande originale. En attendant, allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume. La bande originale, Nagui, sur France Inter.